C'est un classique de l'accordéon, c'est une valse, elle se nomme Domino et elle est suivie du Bon Musette, une autre très belle valse. Thank you. c'est encore un classique de l'accordéon. Je dirais même plusieurs classiques de l'accordéon. Et ce sont des classiques paso doble, El Galito, El Relicario et En el Rev Mundo. C'est les trois passos qui vont se poursuivre. Thank you. revient au cha-cha-cha pour aller être avec Pascal Terrible, Infiniment Toi, tout de suite après. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Cette soirée-là, nos yeux se sont croisés. Ta douce voix m'a demandé tout bas: emmène-moi danser. À cet instant, je t'ai pris dans mes bras. Nous étions enlacés, attirés, l'envie de nous aimer. Jamais la vie, la joie nous souillait. marchions main dans la main. Nos deux corps ne faisaient qu'un. Nos destins brisés sans lendemain. Écris-moi si là-bas tu te dis rien n'est fini. Tout près de moi sentir ton cœur qui bat. Pourtant tu es parti. Jamais le temps ne te remplacera. Reste mon infini. Si ce tu vois pour la première fois, toi tu ne m'entends pas. Tu m'oublies, tu vis une autre vie. Dis-moi où tu t'enfuis. C'est loin. Ton nouveau paradis. On va faire global avec la Java des As et la Belote. Thank you. le reste c'est de la gnognotte. À côté de ça, quant au café je suppose, pour régler de quart Vichy, l'un cuit c'est moi qui arrose, et que l'autre dit laissez cher à nous. On fait une petite pelote, et puis ça va. Pour être un type dans la note, faut jouer à ça. Quand les gens du monde s'invitent, au lieu de mettre on bridgera, sur les cartes de visite, on met on belotera. Le reste c'est la gnognotte, à côté de ça. Quant au café je suppose, pour régler de quart Vichy, l'un crie c'est moi qui arrose, et que l'autre dit laissez cher ami. On fait une petite pelote, et puis ça va. Pour être un type dans la note, faut jouer à ça. Quand les gens du monde s'invitent, au lieu de mettre on bridgera, sur les cartes de visite, on met on belotera. La marche de Ménilmontant. Et puis après, ce sera encore une java avec la plus batte des javas. Thank you.

N'oublie jamais par l'orchestre de Pascal Terrible. Chanter ce jour-là, ça sentait bon les premiers lilas. Et ce printemps qui dansait partout, c'était pour nous, c'était pour nous, rien que pour nous. Quand ce beau jour, tous les rêves d'amour se donnaient rendez-vous. Jamais le jour où l'on s'est connu, si tu l'oubliais, mon bonheur serait perdu. J'avais mon bras qui s'appuyait sur ton bras, et le ciel de mai semait des bouquets de rêves. Un ciel bleu, je n'en croyais pas mes yeux. J'avais peur que tant de joie soudain s'achève. Et pour la première fois, j'ai compris combien je t'aimais. N'oublie, n'oublie jamais. De musette, eh oui, et ça continue, et ça continue. C'était Carlos qui nous la chantait, cette chanson, Señor Météo. Et puis, on termine avec une fille aux yeux clairs. Thank you.

je le sais bien, j'étais là. D'avoir eu tant de chance, quelquefois je me sens fautif. Je regarde autour, ma maison est immense et mon jardin décoratif. Et je sais que depuis ton lointain au-delà, t'as gardé un œil sur moi. J'aurais voulu te ressembler, je le jure. Mais voilà, il suffit pas de vouloir, c'était pas dans ma nature. T'as vraiment dû t'interroger, je suis sûr. Et un jour, j'ai croisé une guitare, j'ai vécu comme on s'amuse. T'avais les pieds sur terre, et j'étais tout le contraire. Jamais eu mon âge, t'as travaillé trop dur pour ça. T'as jamais eu mon âge, t'as travaillé trop dur pour ça. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Isabelle Boulay nous chante « Jamais », mais c'est déjà une chanson qui a quelque temps. Qu'il est trop tard, je reviens d'un si long voyage pour voir le ciel dans ton regard et la beauté sur ton visage. J'ai dressé les cordes du temps et marché sur d'autres planètes. Je suis allé au bout du vent, mais c'est ici que tout s'arrête. J'ai fait 100 fois le tour de la terre, goûté l'eau de toutes les fontaines, touché le cœur de la lumière, sans jamais rien qui me retienne. Où que je sois, jusqu'où j'irai, y a les traces de tes pas. Je voudrais te dire que j'ai jamais.

insouciance. Mais apaiser notre conscience, pour le reste je me dois de vous faire confiance. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Ma Rose d'Alsace. Ah là, Ma Rose d'Alsace, c'est un classique alsacien, bien sûr. Je penserai toujours à ma Rose d'Alsace. Je penserai toujours à ma Rose d'amour. Elle a fleuri sur le chemin de ma jeunesse, autant jolie où mon chemin croisait le sien. Loin des coteaux fleuris de ma Rose d'Alsace, je pense au beau pays de ma Rose jolie. Les heures passent en ma Rose d'Alsace, mais rien ne change en moi depuis l'heure de juin qui sonnait au beffroi. Je n'oublierai pas ce beffroi, un jour il sonnera pour toi. Nous goûterons la mirabelle que tu auras cueillie pour moi. Je referai les longs chemins de nos cigognes, qu'on trace le chemin de mon destin. Dans les matins en fleurs de ma Rose d'Alsace, je prendrai le son tour déposera un beau jour une rose d'amour. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Là, pendant une quinzaine de minutes, je vais vous laisser écouter ce medley de chansons romantiques françaises des années 70. On est tous de quelque part, d'un village ou d'un port, brin de soude, bleu de nord, dans nos regards. Mais je me sens de n'importe où, pourvu qu'il y ait tombé du ciel un peu d'éclair au rendez-vous de mon réveil. J'adore la nuit, mais mon pays, c'est le soleil. Écoute.

Attention, tu joues un mauvais jeu. Libre d'amour, je suis libre d'aimer. Oh, oh, oh, libre de toi, rien ne doit m'arrêter. Et si tu restes malgré moi, Michel Berger, le regretté Michel Berger avec le Paradis Blanc. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Essayer et recommencer. là où le monde a commencé. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc, où les manchots s'amusent dès le soleil levant et jouent en nous montrant ce que c'est d'être vivant. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc, où l'air reste si pur qu'on se baigne dedans, à jouer avec le vent, comme dans mes rêves d'enfant, comme avant. Un autre Michel Delpech, que l'on regrette également profondément. Il faut regarder les étoiles. Eh oui, il nous chantait cette chanson en 1967. Et aujourd'hui, il nous regarde depuis les étoiles. Le soleil, ça ne suffit pas forcément à celui qui veut rêver malgré le temps. Le soleil, c'est tout petit finalement, c'est une étoile au firmament parmi tant d'autres, évidemment. Il faut regarder les étoiles tour à tour. Ce sont des soleils pour troubadours. Il faut accrocher des étoiles au ciel de pluie pour que brillent un peu plus fort les jours trop gris. Il faut regarder les étoiles tout là-haut. C'est la vie qui va trop vite maintenant. Si tu veux rester poète plus longtemps, il suffit de t'arrêter quelques instants, de lever les yeux doucement et de regarder simplement. Faut regarder les étoiles tour à tour. Ce sont des soleils pour troubadours. Il faut accrocher des étoiles au ciel de pluie pour que brille un peu plus fort les jours trop gris. Yeah.

Six-moi, aimez-toi, blessez-moi. Six-moi, aimez-toi. Comment aimez-toi, blessez-moi. Comment aimez-toi. Six-moi, aimez-toi, blessez-moi. Six-moi, aimez-toi. Comment aimez-toi, moi, blessez-moi. Comme un dessin, comme une tache. C'est ton mascara qui déteint quand on se fâche. Et ce coussin d'ici demain, après l'orage, sera témoin que l'on sait bien tourner la page. Voilà, cette émission vous sera reproposée mardi prochain. N'oubliez pas, sur le 91, sur le 102.5, Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5.